L'acquéreur de votre établissement viendra vous voir ce matin et vous comptera 10 000 francs, reprit le baron Hulot. N'est-ce pas tout ce qu'il vous faut pour aller en Afrique ? Le vieillard fit un signe d'assentiment. Quant au fond, là-bas, soyez tranquille, reprit le baron. Je toucherai le reste du prix de votre établissement d'ici. J'en ai besoin. Tout est à vous, même mon sang, dit le vieillard. Oh, ne craignez rien, reprit le baron en croyant à son oncle plus de perspicacité qu'il n'en avait. Quant à nos affaires d'Achour, votre probité n'en souffrira pas. Tout dépend de l'autorité. Or, c'est moi qui ai placé là-bas l'autorité. Je suis sûr d'elle. Ceci, papa Fischer, est un secret de vie et de mort. Je vous connais. Je vous ai parlé sans détour ni circonlocution. On ira, dit le vieillard. Et cela durera ? 2 ans. Vous aurez 100 000 francs à vous pour vivre heureux dans les Vosges. Il sera fait comme vous voulez, mon honneur et le vôtre, dit tranquillement le petit vieillard. Voilà comment j'aime les hommes. Cependant, vous ne partirez pas sans avoir vu notre petite nièce heureuse et mariée. Elle sera comtesse.